Au début, il y a la peste. On méconnaît encore le lieu et la date exacte de son apparition. On imagine que vers 1920, en Afrique centrale ou de l'Ouest, un virus chimien aurait muté et traversant les barrières entre les espèces, aurait contaminé les hommes. Un singe aurait probablement mordu un chasseur de viande de brousse, lequel aurait été vacciné dans un hôpital de Léopoldville avec des seringues mal stérilisées, lesquelles auraient été utilisées avec d'autres personnes, lesquelles auraient remonté le fleuve Congo jusqu'à la côte atlantique. Grâce au progrès des transports, le virus est parvenu vers 1960 à Haïti. Au début des années 1970, il a atterri en Amérique du Nord et débarqué en Europe dans le sang, les muqueuses et le sperme d'un marin norvégien ou peut-être d'un steward canadien qui aurait eu plus de 2500 rapports sexuels avec d'autres hommes, La communauté homosexuelle naissante a été décimée. Les utilisateurs de drogues injectables, les patients transfusés et les travailleuses du sexe aussi. On parlait des maladies des 4 H, haïtiens, homosexuels, hémophiles, héroïnomanes. On parlait aussi de cancer gay, de peste rose. Au début alors, il y a la terreur. La terreur de contracter la peste. Cette terreur a frappé les hommes attirés par d'autres hommes qui ont découvert leur sexualité entre les années 1980 et 2000. Au début, il n'y avait pas de traitement. Être contaminé par le VIH revenait à signer son certificat de décès. Cette terreur a transformé de fond en comble les pratiques sexuelles, traçant une ligne entre le safe sex et le sexe à risque. Le sperme est devenu un fluide qui donnait la mort et le rectum une tombe. Au début aussi, il y a la science. En 1983, on découvre le virus à l'Institut Pasteur. À cette époque, l'Institut Pasteur avait une existence. On lui a donné un nom passablement laid, VIH. On a mis au point les premiers tests de diagnostic sérologique. On a essayé des médicaments qui étaient parfois plus pernicieux que la maladie elle-même, avec des effets secondaires très lourds, parfois dévastateurs. Comme toujours, la science a fait des progrès. Les laboratoires ont centuplé leur chiffre d'affaires. Vers le milieu des années 1996, on a essayé plusieurs molécules qui bloquaient la multiplication du virus mais ne parvenaient pas à l'éradiquer complètement de l'organisme. Mais c'était déjà pas mal. Maladie mortelle, le VIH est devenu une maladie chronique, comme le diabète, l'asthme ou le cholestérol. On a oublié, on a tourné la page et on est passé à une autre peste. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on est un peu en retard, mais vous êtes sur Radio Audio 89.5. Et voilà, en fait, notre thème, j'ai dit que c'est comme un ouragan, non? J'ai oublié? Non, j'ai pas oublié, voilà, sur Radio Audio comme un ouragan. Et en fait, ça fait presque un an quand même qu'on a eu envie de faire une émission sur le VIH et d'inviter des personnes de l'asso Actis qui était à Saint-Étienne. Et en fait, l'idée, c'était parce que nous, on trouvait ça important comme de voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme asso aussi des luttes qui nous trouvent importants à Saint-Étienne et de voir qu'est-ce qu'il existe comme nous, comme un ouragan, on est plutôt des personnes un peu nouveaux à Saint-Étienne. Et de trouver ça aussi important de faire, comme on dit, de passer la mémoire quoi, des luttes. Et alors, on est très contente aujourd'hui qu'enfin, on est en studio avec des invités. Et oui, du coup, pour ce soir, on a deux superbes invités pour nous parler un peu histoire et actualité des luttes communautaires contre le VIH. Du coup, on a avec nous Stéphane, qui a été salarié pendant beaucoup d'années à Actis, du coup, l'asso stéphanoise, et aussi notre très chère sœur Anastasia. Du coup, déjà, merci beaucoup d'être là avec nous en direct. Ah bah avec grand plaisir, c'est déjà une joie de sortir du couvent. Bonsoir. Vous m'en donnez l'occasion. Bonsoir, merci pour l'invitation. En tout cas, voilà, moi je suis très content d'être là. Et surtout, enfin, on en parlait avec l'équipe tout à l'heure, Actis a animé pendant longtemps une émission de radio sur audio qui s'appelait Sida en tête pendant de nombreuses années. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui s'en souviennent. Mais en tout cas, voilà, c'est une émission qu'on aimait beaucoup faire. Et le dernier animateur, c'était Piv, Christophe, qui anime toujours le retour de la guinguette sur Dio les mardis en début de soirée. Voilà, donc un petit clin d'œil pour lui. Et un deuxième clin d'œil à mon mari, alias Ourson 3000, qui a animé, en fait, qui s'est occupé de la technique de l'émission Sida en tête il y a 25 ans. Donc voilà, je voulais le saluer aussi. Merci. Petite dédicace. Et bonsoir à tous, toutes, et à Ourson 3000 et à Christophe. Et voilà, du coup, c'est bien aussi de commencer par les dédicaces. sur Anastasia, une petite dédicace comme ça Claire, si tu nous écoutes, hein, notre docteur préféré, le docteur Guglio de Minotti, qui nous écoute et qui nous a prévenu qu'on était en retard. au cas où on ne le saurait pas. Ok, bah du coup, rentrons dans le vif du sujet. On rentre dedans. Et du coup, c'était quoi les assos collectifs? Enfin, ou c'est quoi les assos et collectifs dans lesquels vous êtes justement? Et comment est-ce qu'elles se sont montées? Vas-y, je pense que Stéphane, tu peux commencer. Oui, alors sur Actis, on est vraiment sur l'année 1989, les premières années de l'épidémie en France où les associations se sont créées un petit peu partout. On est sur des associations classiques de lutte contre le VIH qui, à l'époque, en fait, c'était les personnes concernées, les personnes malades qui se mobilisaient, plus leur entourage. Un petit peu le monde médical qui aussi donnait là et prêtait main forte en fait à la création de ces associations. On est vraiment sur un modèle d'associations communautaires où ce sont les personnes concernées qui ont monté les associations, qui ont commencé à faire de la prévention, à faire du soutien aux personnes atteintes, alors qu'à l'époque, on était sur de l'accompagnement de fin de vie. Donc voilà, ce sont un exemple d'association communautaire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même un exemple de la lutte contre le VIH, puisqu'il y a beaucoup d'associations de patients qui aujourd'hui prennent ce modèle-là pour prévenir, informer, pour soutenir les personnes, des personnes malades. Et concrètement, 89, du coup, ça veut dire que c'était des personnes qui se croisaient dans les lieux de rencontre, dans les lieux de soins, et qui se sont dit, bon, en fait, peut-être on va faire force collective ensemble. Je pense que pas mal de personnes se sont rencontrées, en fait, dans les milieux hospitaliers, en fait, dans les services de maladies infectieuses à l'époque. Je pense que les patients se sont rencontrés là-bas et c'est aussi là-bas qu'ils ont commencé un petit peu à se dire, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas rester, il y a des personnes qui meurent, il y a besoin d'agir et il y a besoin d'agir de manière urgente en fait. Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'à l'époque, l'espérance de vie pour les personnes atteintes par le VIH était faible. On était encore loin de l'arrivée des premières thérapies. Donc il y avait l'urgence et il y avait le besoin et la nécessité en fait de se fédérer, de se soutenir et puis de prévenir parce que en termes de prévention à l'époque, c'était encore tout balbutiant. Il y avait encore beaucoup à faire. Et justement, là tu disais, du coup c'est 89, est-ce que tu veux bien nous redonner un peu, l'une de vous deux, là, nous redonner un peu des repères historiques et politiques du contexte général autour du VIH en France et à Saint-Étienne en particulier, au moment de la création d'Actis notamment? Alors bon, pas sur le VIH en France, on est à tout début des années 80 et la découverte du virus. En fait, les premières associations en France, elles se sont montées en 84. La toute première association, c'était pas AIDS, c'était Vaincre le Sida, c'était la première association en France qui s'est créée. Et puis AIDS, en 84, a pris le relais. L'association en fait Actis en fait au départ était un comité de aide, une association qui était affiliée au réseau aide, donc qui s'appelait Aide Loire et Haute-Loire et qui est restée dans ce réseau-là de 89 à 99 pour après changer de nom et puis et continuer son travail d'association locale. 89, c'est aussi en France l'arrivée d'ACT UP, hein, que tout le monde connaît, l'association référente et militante qui pendant longtemps a fait bouger les lignes en termes de politique, qui a fait bouger les lignes en termes de lutte contre le VIH, et dont on doit beaucoup aujourd'hui encore. Hein, y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui mobilisantes grâce à ACT UP et grâce à ce qu'a fait ACT UP par le passé. Alors l'association, en fait, nous localement, Actis, en fait, c'était essentiellement de l'accompagnement des personnes malades, de l'accompagnement à la fin de vie, hein, puisque voilà, c'était la priorité de l'association. Et puis un petit peu la prévention. Alors la prévention, hein, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure sur les activités qui étaient menées par l'association, mais ça s'est décliné dans une multitude de champs d'action. Et puis je crois que c'est en 95 l'arrivée des trithérapies. Oui, 96, c'est les premières thérapies qui ont permis en tout cas de faire avancer et de permettre aux personnes de vivre de manière un peu plus... en tout cas, d'améliorer la qualité de vie, la qualité de vie des personnes à ce moment-là. Ouais. Et toi, sœur Anastasia, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le couvent? Bien sûr. Alors, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, que dire? Eh bien, c'est un ordre international, pauvre et dérisoire, de folle radicale. Alors, c'est le texte officiel, hein, je n'invente rien, bien sûr. Ça a commencé en 1979 à San Francisco, où quatre amis sont sortis dans le quartier gay de San Francisco, déguisés en bonnes sœurs, avec des vrais costumes qu'on leur avait confiés 3 ans auparavant pour une comédie musicale qu'ils n'ont pas faite. Et donc ils sont sortis habillés en bonnes sœurs avec, de mémoire je crois, des mitraillettes roses en plastique pour foutre un petit peu le bordel. Et en fait, ils se sont rendus compte très rapidement que de nombreuses personnes venaient vers ces bonnes sœurs pour raconter un peu ce qu'ils avaient sur le cœur. Et donc, ces quatre personnes sont les fondeuses de notre ordre. Alors, un an après, vraiment, tout ça s'est organisé. Hein, elles ont été rejointes par d'autres personnes, femmes, hommes, LGBTIQ+, et hétérosexuels. Et puis, donc, on est en 79. Donc seulement 10 ans après Stonewall, puisque nous on commence à calculer les années à partir de Stonewall. Hein. Avant ça n'existe pas vraiment, ou c'est la préhistoire. 79, donc on n'est pas encore dans les années 80. Donc en fait, les actions des sœurs, c'est notamment récolter des fonds pour soutenir des malades du cancer et participer à des manifestations contre le nucléaire. Hein, on est en 79. Et puis, déjà, c'est déjà travailler et œuvrer pour nos vœux. Donc, les deux premiers vœux, c'est expier la honte et la culpabilité stigmatisante et promouvoir la joie multiverselle. Et donc, ils se sont très vite rendus compte, ou elles se sont très, très vite rendues compte, que ce besoin d'écoute sans jugement qui continue d'être un peu le fil rouge de nos actions, qu'il y avait un fort besoin dans nos communautés, mais pas seulement. Et puis voilà, ça s'est mis en place. Et puis dès 1981, nouvelle maladie. Et dès 1982, en fait, les sœurs ont été les premières à sortir une plaquette de santé communautaire, Play Fair, Play Safe, déculpabiliser et dire quand même, on peut avoir une sexualité joyeuse tout en prenant soin de soi et de ses partenaires. Et puis voilà, à partir de 91, le premier couvent de France a été érigé à Paris. Et puis, depuis... Alors, j'avais sorti des chiffres, quand même, parce que tout le monde aime les chiffres. Des chiffres, chers sœurs. Tac, tac, Tac, oui, ben aujourd'hui, 84 couvents dans le monde, paraît-il, dont 9 en France, le couvent de Paris, le couvent de Paname, le couvent du Nord à Lille, le couvent des Sénés à Aix-en-Provence, avec une mission en Aquitaine, le couvent des 69 Gaules et le couvent des Traboules, dont je dépends, à Lyon, la mission des Pralines en Haut-Vivarais, Forez et Dauphiné, le couvent d'Oc à Montpellier, le couvent des SDF, qui n'ont pas vraiment de territoire délimité, et le couvent des Monts dans le Piémont languedocien. Et voilà, depuis 42 ans, on continue, d'œuvrer pour la joie multiverselle, d'exhorter à l'expiation de la honte et de la culpabilité stigmatisante. On a un vœu de paix et de dialogue entre les communautés. On a un vœu de charité et de partage, notamment avec la récolte de fonds, d'information et de prévention et de réduction des risques autour du VIH et des IST, et un vœu autour du droit et du devoir de mémoire des personnes mortes ou persécutées en raison de leur identité de genre, de leur préférence sexuelle ou de leur statut sérologique. La lutte contre le sida ne serait pas ce qu'elle est sans les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. C'est évident. En fait, elles ont accompagné l'ensemble des associations en France pendant toutes ces années, dans les moments les plus douloureux, mais aussi dans les moments joyeux, parce que c'est aussi ça, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. On essaye, oui, d'être joyeuses. Du coup, on voudrait écouter un petit morceau que Sœur Anastasia t'a proposé. Ah oui, alors c'est lequel? On commence par quoi? On voulait commencer par I Will Follow Him. Mais oui, c'est un petit chant de bonne sœur qu'on aime beaucoup au couvent. I will follow him. Follow him wherever he. My heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his direct dans Comme un ouragan sur Radio Dio 89.5. Et juste avant le morceau de musique, vous nous avez un peu expliqué c'était quoi un peu l'autosupport au début, fin des années 80. Et, mais est-ce que vous avez envie de nous raconter un peu c'était quoi concrètement les actions qui étaient menées et un peu comment ça a évolué dans les années qui ont suivi? Alors sur, il y a deux volets hein, sur les actions qu'a pu mener Actis pendant plus de 30 ans, hein, je le rappelle. C'est une association, bon, même si elle est fermée aujourd'hui, qui a œuvré plus de 30 ans dans la lutte contre le VIH et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dans la Loire et la Haute-Loire. Les actions, en fait, on les peut les distinguer en deux grandes catégories. Hein. C'était soit l'accompagnement et le soutien des personnes malades. Ça allait du soutien à domicile. Hein. C'était un dispositif d'aide à domicile spécifique avec du personnel qui était formé pour intervenir directement chez les personnes. C'était aussi, en fait, des permanences hospitalières hein, où les bénévoles pouvaient accueillir les personnes sans jugement. C'était un autre soutien, un autre apport que ce que pouvait apporter le monde médical. Mais c'était aussi tout plein d'activités en lien avec la qualité de vie. On a toujours, pendant, je crois, toute l'existence d'Actis, il y a eu un repas hebdomadaire, en fait, à l'association qui permettait aux personnes de se retrouver, aux personnes d'échanger, de pouvoir prendre un repas correct, etc. Pendant toutes ces années, ça a rythmé l'association, avec aussi ce qu'on a appelé qualité de vie, des séances de massage, relaxation, des rendez-vous avec un sexologue. On a essayé plein de choses aussi, l'art thérapie, enfin bon, beaucoup de médecine entre guillemets complémentaire en fait de qui pouvait être un plus à la vie des personnes malades. On a eu pendant longtemps aussi un fonds de solidarité qui était alimenté par les dons, les collectes de fonds qu'on pouvait réaliser, parce que pour nous, ça a toujours été important de pouvoir aussi subvenir aux besoins essentiels des personnes qui étaient malades, qui étaient aux minima sociaux, et puis pour qui, souvent, bah, c'était un peu des fins de mois qui étaient rudes. Ces dernières années, on a également eu besoin de ce fonds de solidarité puisque l'association s'est beaucoup investie et occupée des personnes malades migrantes et qui étaient aussi sans ressources. Donc on a eu besoin aussi de ce fonds de solidarité pour subvenir à ces besoins nouveaux qui en tout cas étaient essentiels. Quoi. Ça, c'est un peu, alors rapidement, hein, évidemment, hein, mais c'est un peu le volet soutien-accompagnement. Mais à côté de ça, il y a la prévention et la réduction des risques. Alors, il y a plusieurs volets, puisque Actis était aussi une des structures en centre-ville de Saint-Étienne qui avait le matériel de prévention et de réduction des risques pour les usagers de drogue hein, depuis la création de l'association. Donc, c'était un point où on pouvait trouver exactement le même matériel pour les usagers de drogue que ce que peut procurer l'association Rimbaud, hein, qui est le CARUD de Saint-Étienne. Le CARUD, c'est un centre d'accueil et accompagnement à la RDR pour les usagers de drogue. Donc on avait le même matériel. On était, nous, sur un système de bas seuil. Hein, les personnes pouvaient venir à l'association. C'était une remise de matériel sans condition, etc. Donc on avait voilà, ce matériel à disposition. On était un des deux points d'accueil à Saint-Thé. Après, il y a eu la prévention spécifique hein, auprès de la communauté LGBT, auprès des gays en particulier, qui ont été évidemment très touchés et concernés par le VIH. Et ça s'est manifesté autour d'interventions dans les établissements commerciaux, bars, sauna, etc. Des interventions sur des lieux de drague, et des lieux de drague extérieurs, et plus récemment sur des interventions de prévention sur les sites et applications de rencontres. Et puis le volet important aussi à souligner, c'était tout le travail qui pouvait être fait auprès des personnes migrantes. Actis en fait a accueilli pendant quelques années en fait la permanence d'accès aux droits des migrants du groupe dont j'ai oublié le nom de Malika en fait. Du coup le groupe le collectif le collectif sans papier, sans papier voilà. Quoi. Collectif ouais, sans papier ça. En fait Actis l'a accueilli pendant quelques années. Ce qui nous a permis, en fait, de l'idée de tout ça, c'était de proposer, en fait, une prévention et une information ciblée, sans aller forcément vers les publics, mais à ce que les publics ciblés viennent à nous, hein, puisqu'on était sur d'une permanence d'accès aux droits, mais qui nous permettait aussi de faire des actions de prévention, etc. Et ça a été la même chose, puisqu'on a, pendant très longtemps, donné des cours de français, de français FLE, hein, français langue étrangère, qui ont permis au public de venir chez nous pour apprendre le français. Mais nous, en contrepartie, on a pu aussi mener des actions de prévention et des actions de dépistage. Puisque, en fait, depuis quelques années, Actis était habilité pour faire du dépistage par TROD, test rapide d'orientation diagnostique du VIH, mais aussi de l'hépatite C. Voilà, donc ça, c'était une des missions qui s'est rajoutée ces dernières années, une mission de dépistage vers les publics prioritaires de la lutte contre le VIH. C'est peu connu, mais en tout cas, c'est à Actis, en tout cas, c'est à Saint-Étienne qu'ont eu lieu les premiers dépistages rapides en France. Oh. Oui. Pas mal. Mais vous m'en direz tant. Sous couvert du docteur Guglielmi Notti du Cégide de Saint-Étienne, qui, avec Actis et avec l'aide de SIDAction, en fait, on avait lancé un protocole de recherche, ce qui a permis de mener, en fait, les premiers tests rapides en France. Ça a été à Saint-Étienne. Quelques mois avant que les grandes associations prennent le relais. Et tac. Allez, les vertes. On a Diar. Et alors, chez les sœurs, les actions un peu concrètes Alors, chez les sœurs, on a... en fait, je crois que le principal de notre activité, les sœurs américaines appellent ça le ministère de présence. En fait, c'est essentiellement de la présence. Alors, ça se développe dans des actions diverses et variées. Alors, on est souvent... souvent identifiés autour des activités de collecte de fonds, mais on ne fait pas du tout que ça. Collecte de fonds en général pour d'autres associations que nous-mêmes, parce qu'on a fort peu de besoin de budget. Collecte de fonds quelquefois pour des séjours de ressourcement pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est un petit peu des séjours de répit et autour de la qualité de vie, c'est des séjours de vacances, de repos, de répit et puis... de joie et puis pour s'occuper un peu de soi. Et donc dans ce ministère de présence, on fait beaucoup d'écoute, c'est de la disponibilité, du soutien et de la solidarité. Je pense qu'on fait du soin communautaire de manière très différente selon les sœurs, mais que rien que notre présence quand même, c'est ce qu'un de mes paroissiens me disait, complètement fasciné par les sœurs. Je lui dis, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette fascination? À quoi ça te sert? Parce que ça me paraissait très, très, très curieux. Et il me dit, les sœurs sont un repère. Alors, si déjà on n'est que ça, c'est magnifique. Alors, on fait un peu de visibilité. On essaye de sortir discrète, mais on n'y arrive pas. et on participe, bien sûr, à des fêtes, à des moments de joie et de partage. Des moments de partage qui ne sont pas forcément que joyeux. Hein. On a aussi nos mystères douloureux. C'était la Saint-Sida il y a quelques jours, le 1er décembre, où on est là aussi pour rappeler la mémoire, rappeler tout ce qui reste à faire en termes de lutte, parce qu'il reste à faire. Et voilà. Et puis après, on égrène tout ça avec des informations pour une sexualité joyeuse et responsable. C'est ce qu'on essaye de faire. On a toujours invité les sœurs pour nos repas collectifs. Mais oui, on a adoré. Qui répondaient présentes toujours. Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'était toujours des moments de convivialité et de soins aussi, je trouvais. Hein. Ouais. Et du coup, selon vous, pourquoi c'est important de faire du soin communautaire, de faire du soin par et pour une communauté de lutte, de vécu, d'amis, d'amants? Qu'est-ce que ça change un peu de cet aspect soin communautaire? Je pense que c'est la clé, en fait. L'outil communautaire tel qu'on l'imagine, en tout cas des personnes concernées, qui aident les autres personnes, je trouve que c'est vraiment le béaba, en fait, de nos luttes. Et Alors, c'est vrai que sur le VIH, hein, la communauté gay a été très impactée. C'est aussi beaucoup mobilisé, mais c'est peut-être plus récent maintenant que, voilà, quand on parle de communauté LGBT, voilà, tout le monde s'est senti aussi investi dans cette lutte-là. Mais pendant longtemps, elle a quand même été plutôt réservée aux gays, hein, qui avaient besoin justement de ces espaces-là et puis de ce... En tout cas, de prévoir des actions qui leur étaient propres et qui permettaient justement de faire de la prévention et de la réduction des risques auprès des gays. Je pense qu'il y a eu aussi une période où les lesbiennes se sont pas mal investies, hein, dans la lutte contre le sida. C'est une évidence, hein, parce qu'il y a eu un moment où, peut-être sur les pires années, où justement les gays étaient tellement anéantis par tout ce qui se passait, que le soutien des lesbiennes, à mon avis, à un moment donné, il a été hyper important, hyper fort, et c'est ce qui a permis aussi d'avancer. Oui, ben nous, c'est un peu notre fonds de commerce, hein, le soin communautaire. Alors, toutes les sœurs ne sont pas forcément des représentantes de la communauté LGBTIQ+, mais pour X raisons, sont toujours des personnes qui s'en sentent proches. Et du coup, je pense que cette proximité, avoir conscience de ce que les personnes qu'on rencontre vivent réellement, les accueillir et les écouter sans préjugés, sans idées préconçues, sans culpabilisation non plus, je pense que ça fait tout, en fait. Parce que je crois que vraiment que la culpabilité, c'est ça, entre autres, qui fait des ravages. Voilà. Merci. Sur une autre thématique de questions, on se demandait au début, c'était quoi le rapport de force avec le monde politique et le monde médical à Saint-Étienne ? Et c'était quoi les alliances et comment ça a changé, comment c'est maintenant ? Vaste ouais. Question. En tout cas, avec le monde médical, tout va dépendre en fait des liens qui sont pris avec les CHU, avec les services des maladies infectieuses, et de la volonté aussi des médecins à aller vers les associations. Je pense que ça pouvait vraiment être différent d'une ville à l'autre. À Saint-Étienne, j'ai l'impression quand même qu'avec le CHU et avec le service des maladies infectieuses, on a quand même réussi à travailler main dans la main depuis très longtemps, notamment quand on voit par exemple sur le dépistage qu'on a réussi ce qu'on a réussi à mettre en place et à faire. Et ça s'est un petit peu facilité depuis la création des COREVI. Alors les COREVI, c'est les coordinations régionales VIH. Qui permettent de mettre en lien les personnes donc du monde associatif et les personnes du monde médical. Et ces COREVI, là maintenant, qui ont quelques années, ont quand même facilité le rapprochement et fait en sorte que les actions, elles sont plus menées ni par les uns ni par les autres, mais en tout cas, on essaye de faire ça ensemble. Je pense qu'il y a des grandes différences en fait entre les villes, entre les médecins qui sont proches ou pas du milieu associatif et qui, en tout cas, fonctionnent en confiance ou pas avec les structures. Mais toi, ce que tu dis, c'est que plutôt quand même sur Saint-Étienne, ça a été quand même possible. Et aussi par... Moi, je trouve que c'est des trucs concrètement, des fois, que c'est intéressant, quoi, de se rappeler comment, du coup, c'était aussi des liens de personne à personne, un peu affinitaire, ou du taf qui a été fait de dire « Ah ben, on connaît telle personne, et puis hop, on l'emmène un peu dans... » C'est du lien, parce que, en fait, quand il y a une difficulté avec une personne, parce qu'il va y avoir des problèmes après de logement, d'accès aux droits, on nous contacte. On nous met en relation directement. C'est quand il y a eu un dépistage avec une séropositivité annoncée, on nous oriente la personne parce qu'elle a envie de rencontrer d'autres personnes atteintes, parce qu'il y a besoin peut-être d'une présence et puis d'un soutien associatif qui va être différent du soutien médical, même si il peut être proposé un soutien psychologique. Ou un accompagnement à la prise du traitement, mais peut-être que l'association aura d'autres réponses à apporter. Et quand les personnes sont orientées par les uns et par les autres, et nous aussi, quand on oriente les personnes sur le CHU parce qu'on imagine qu'il y a des difficultés dans la prise de traitement, etc., c'est ça le travail en fait, en commun, la collaboration, et c'est ça qui marche au final. Bah, puis ça marche d'autant mieux quand ça se fait des deux côtés, parce que c'est clair que le CESID fait du lien avec l'associatif, et ça, c'est pas rien, quoi. Je suis pas sûr que tous le font. Non. Alors, c'est vrai que, bon, je n'ai pas les exemples de tout ce qui peut se passer ailleurs. Il y a sûrement des choses plus intéressantes ailleurs, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a, on a réussi à maintenir une bonne confiance pendant toutes ces années qu'Actis était présent sur le territoire. Sur la politique, les choses sont peut-être un petit peu différentes, puisque... ça dépend des bords politiques, des volontés aussi politiques. En tout cas, nous, on n'a jamais eu à nous plaindre du soutien des municipalités de Saint-Étienne. Après, voilà, elles ont fait plus ou moins en fonction de leurs moyens aussi. C'est pas la santé, pas toujours leur préoccupation première, parce que c'est pas dans leurs prérogatives non plus directes, en fait. Mais en tout cas, bon, on a toujours eu un soutien des municipalités qui se sont succédées. Et bah, écoutez, après ce... dans ce moment... Et... Non, mais c'est vrai, moi, je trouve, je sais pas, moi j'aime bien, j'apprends des trucs, je trouve, c'est tout ça, mais c'est aussi, c'est dense. Du coup, je propose une petite pause musicale. Est-ce que, oui. Stéphane, tu veux nous introduire la chanson, puisque... Je vais introduire. Alors, je sais pas laquelle, j'en avais proposé deux. Il me semble que c'est qu'on te garde la pépite pour la fin, d'accord. Du coup c'est l'autre. Donc c'est l'autre, donc c'est... Non, mais c'était pas, je crois que c'est pas Stéphane qui l'a proposé, je crois que c'est Sœur Anastasia. Pardon. Ah, je sais pas. Le morceau de Klaus Nomi. Ah oui, ça c'est moi. Alors bon, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Mais en fait, c'est un morceau qu'on utilise pour nos cérémonies. Enfin, Klaus Nomi qui est décédé des suites du sida. Chanteur complètement atypique, je crois qu'on peut le dire, personnage peu commun, et qui reprend un air baroque, hein, qui date du 17e de mémoire, qui est déjà à la base dramatique, ou plutôt. Et pour nous, c'est un petit peu à la fois commémorer le souvenir, et c'est aussi un peu un hymne, en fait, des années les plus sombres, on va dire. Oh. toujours en direct dans Comme un ouragan sur Radio Dio 895 et on vient d'écouter un morceau de Klaus Naomi qui fait un super enchaînement avec la question suivante qu'on avait envie de vous poser, qui est une question qu'on imagine a été hyper importante, c'est la question de la mort, des morts, de nos morts mortes. Et on se demandait un peu comment vous vous êtes soutenu là-dedans, qu'est-ce qui a été pensé possible autour de cette question du deuil et de tous ces morts dans la communauté. Bah, je pense que c'est là aussi où les sœurs ont eu leur rôle à jouer, par nécessité et par manque, en fait, d'organiser des rituels, des cérémonies, d'aider à faire le deuil, notamment pour des compagnons et compagnes qui avaient été évincés par les familles, par exemple. Bon, et pas que, hein, mais... et voilà, et c'est aussi ce qu'on essaye... Enfin, pas de commémorer dans un... C'est pas commémorer, en fait, mais c'est ce droit et ce devoir de mémoire, auquel je crois beaucoup, en tout cas, moi. C'est que quand même pendant deux décennies il y a des générations et des générations de personnes qui ont été arrachées à la vie, abandonnées par les services publics, par les pouvoirs publics, et on a perdu plusieurs générations de militants, de militantes, d'artistes, de gens extrêmement inspirants, de personnes très ordinaires aussi qui ne sont pas moins inspirantes. Et voilà, ça reste quand même, je crois, une période fondatrice aussi pour une communauté. À Actis, je pense que pendant longtemps, en fait, pendant en tout cas la première décennie où les personnes décédaient très rapidement, on se posait pas trop la question en fait de savoir comment on allait faire, etc. Il fallait faire de toute façon. Il fallait être là, il fallait être présent pour les proches, pour les personnes qui accompagnaient, parce que l'association, mine de rien, était une présence, était un soutien. Et même jusqu'à la fin de vie, en fait, il fallait être là, il fallait faire. On a organisé beaucoup d'obsèques avec les bénévoles de personnes qui n'avaient... il n'y avait plus d'entourage, il n'y avait plus personne en soutien, donc il fallait organiser les cérémonies un petit peu en catastrophe, il fallait qu'il y ait une cérémonie, il fallait qu'il y ait quelque chose de digne par rapport à ce que les personnes avaient pu vivre. On a aussi vu des choses qui étaient assez aberrantes, les familles qui déboulent au dernier moment, ils sont jamais occupés des personnes, mais qui sont là parce que on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, ou alors pour qui pense qu'il y aura peut-être un héritage, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ouais, on était là. Il fallait faire, en fait. Et je pense que c'est ce qui nous a, et c'est ce qui a poussé aussi les bénévoles toujours à continuer et à s'occuper des personnes, c'est que on était dans le mouvement. Dans le mouvement, et que si on s'arrête, je pense qu'après, parce que c'était difficile, donc s'arrêter, ça voulait dire qu'on laissait les choses aller, et c'était pas le cas, on voulait pas, donc il fallait avancer. Oui, voilà. Et en parlant d'avancer, on se demandait aussi c'était quoi les nouveaux combats autour de la lutte du VIH maintenant, en ce moment, voilà, et les combats à tenir. C'est clair comme question. Oui, c'est clair. Alors, maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour moi, puisque l'association Actis n'est plus là, mais par contre, il y a des personnes qui prennent le relais. Donc, c'est ce qui est important, en fait, puisque les associations, elles naissent et puis elles peuvent mourir aussi. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'ENIPS, par exemple, qui va s'occuper plus particulièrement de la prévention auprès des personnes LGBT. Il y a beaucoup à faire avec le chemsex, avec le sexe sous drogue. Il y a énormément de boulot à faire en termes de prévention, de réduction des risques. Donc ça, c'est un des enjeux. Il y a toujours le dépistage qui reste la priorité, hein, puisque aujourd'hui, avec des traitements efficaces, eh ben, plus on dépiste rapidement, mieux les personnes sont prises en charge, elles ne contaminent plus d'autres personnes. Donc en fait, tout l'enjeu, il reste encore d'actualité autour du dépistage. Et puis il y a AIDE, soit de Clermont-Ferrand ou de Lyon, qui viennent faire des actions de prévention là, plus spécifiques auprès des personnes migrantes. Sur le secteur de Saint-Étienne. Et j'ai envie de dire, c'est aussi quelque part notre rôle à tous, c'est le rôle aussi des associations LGBT, entre autres, hein, de Saint-Étienne. Le fait que pour l'instant, il n'y ait pas une structure comme Actis avec des locaux identifiés, etc., c'est le travail de tout le monde, hein, de faire en sorte que ces actions de prévention perdurent et peut-être aussi de nouveaux combats à mener. Je pense que oui, plus d'informations auprès de la jeunesse et puis enfin autour des pratiques du chemsex, parce qu'il me semble que c'est encore d'actualité. Et puis j'ai envie de dire l'accès au droit à la santé, en fait, peut-être même l'ouverture des brevets. Pourquoi les traitements sont-ils tout de même relativement accessibles sous nos latitudes et aussi peu dans d'autres régions du monde? Moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait que cette question de la santé sexuelle au sens large, elle revienne comme un vrai sujet de santé publique, en fait. Parce que œuvrer dans ce sens, en fait, tout le monde y gagne. Je veux dire, c'est pas de mettre les PD, les Gwyn, les toxicos dans un coin. Ça fait rien gagner à personne, en fait. Parce que si on les met dans un coin, ils peuvent pas se soigner. Donc du coup, ça redevient un enjeu de santé publique. Voilà. Je sais pas, je m'égare là. Non, en tout cas, sur la question des personnes migrantes arrivées récemment le territoire, il y a encore un travail énorme à faire de prévention, mais aussi auprès des... Parce que les personnes migrantes, c'est vaste, hein, mais aussi auprès des personnes qui sont nées en France et qui n'ont pas forcément eu un accès, en fait, à la prévention et à la réduction des risques tels qu'ils pourraient être préconisés. Hein. Il y a encore énormément de boulot. Et là, on avait envie de faire un petit point très pratique. Tu l'as évoqué un peu, Stéphane, avec AIDE et l'ENIPS. Tout à l'heure, sur Anastasia, tu avais parlé du CEGID, mais en gros, à Saint-Étienne, comment on peut avoir... où est-ce qu'on peut faire un dépistage? Comment on peut avoir accès à la PrEP, qui est traitement prévention? Comment on peut faire pour avoir un traitement post-exposition? Les tests rapides, où est-ce qu'on peut y avoir accès? Tout ça. Petit point très pratique. Très pratique. Ouais. Mais à Saint-Étienne, on a quand même la chance d'avoir deux points de CEGID, un en ville, un à l'hôpital Nord, et puis une équipe, moi en tout cas, que je trouve vraiment assez formidable, très à l'écoute, pas du tout jugeante. Enfin, vraiment, n'ayez pas peur d'aller au CEGID, vous faire un dépistage complet, et puis un petit état des lieux, quoi. Hein? Un petit bâton dans le cul, des petites analyses d'urine, de sang, tout. C'est rigolo. Donc le CEGID, c'est le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des IST. Oui. Donc voilà, faut pas hésiter. Les coordonnées, c'est facilement trouvable sur le net ou en appelant SIDA Info Service. Il faut toujours avoir le réflexe d'appeler SIDA Info Service ou alors de les contacter via Internet, puisque de toute façon, ils ont les coordonnées de l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH local. C'est le 0800 840 800. Après, les associations, il y a aussi le CARU de Rimbaud, il y a le planning familial, hein, qu'il faut aussi citer, qui fait tout un travail autour du VIH et des IST. Les réflexes, hein, de toute façon, c'est le panel de propositions qui existe aujourd'hui, c'est toujours la capote, hein, la capote interne, externe. C'est la PrEP, hein, le traitement prophylaxique. C'est le traitement d'urgence qui est toujours le TPE, qui est toujours utile lors d'une prise de risque. Donc là, ne pas hésiter à appeler SIDA Info Service pour savoir dans quel service d'urgence, ou encore mieux aux heures d'ouverture du service des maladies infectieuses et des CEGID, et de s'y rendre le plus rapidement possible. sans oublier le dépistage qui reste un atout majeur de la lutte. Et puis pour répondre à ta question, la PrEP, ça peut être au Cégid et maintenant c'est accessible aussi auprès des médecins généralistes. Alors j'ai bien peur qu'ils ne soient pas tous et toutes formés, mais ça peut être quand même un biais, ou d'abord passer au Cégid et ensuite par facilité ou quoi qu'est-ce. Bon, parce qu'il faut quand même se sentir en confiance, quoi, mais voilà. Moi, ça me donne envie d'enchaîner là, sur ce petit moment réduction des risques que oui. Moi, je trouve qui passe comme il faut. Quoi. Enfin, qui passe crème. Non, mais qui passe crème. C'est justement... c'est aussi ça, quoi. C'est la réduction des risques aussi quand elle est pensée de façon communautaire ou de façon, je ne sais pas comment on dit, là, horizontale, ou c'est quoi un petit peu les mots pour définir ça. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait passer ces messages-là sans passer justement par un message hyper descendant ou qui crée de la culpabilité et tout ça. Et que ça, moi, je trouve que c'est sacrément précieux à découvrir. Et on avait envie justement d'une petite question un peu là comme ça, plutôt d'aller se rappeler justement c'est quoi les campagnes de prévention, parce qu'il y a eu forcément des campagnes de santé publique un peu massives de prévention, et il y a eu des trucs je pense bien carnage comme il y a eu des trucs super chouettes, et je sais pas s'il y a deux trois images, souvenirs autour de ça là à partager. Ouais, bah des campagnes qui n'ont pas été adaptées, il y en a eu, hein, de toute façon. C'est surtout les campagnes en fait, qui veulent s'adresser à tout le monde et puis qui finalement ne s'adressent à pas grand monde. C'est un peu ça, des fois, qui est un peu problématique. Alors, je comprends, hein, il faut aussi qu'il y ait des campagnes un peu tout public, mais en fait, ces campagnes-là, souvent, elles se perdent. Et depuis quelques années, quand même, ils ont essayé de faire des campagnes plus ciblées qui, à mon avis, portent davantage leurs fruits. Après, j'ai pas de souvenir. Voilà, si c'est les campagnes du 1er décembre où les affiches arrivent le 2. Enfin, voilà, des loupés des services qui gèrent ça. Mais moi, ce qui m'a le plus ennuyé souvent, c'est quand on était sur des interventions au grand public ou alors des interventions ciblées sur du public qui, ou alors sur des collectes de fonds pour le site d'action par exemple, ou quand on va vers les gens qui ont des mots durs par rapport à la lutte contre le VIH, des mots durs par rapport aux personnes malades. Moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est un peu le mépris et puis la volonté de nuire parfois qui est assez désespérante. Hein. C'est dur pour les équipes. Ou alors des actions de prévention en fait, ou d'information, et puis où on sent bien qu'il n'y a pas de répondant. Les gens s'en fichent. Voilà, moi, j'ai encore souvenir il n'y a pas si longtemps que ça, hein, d'interventions qui étaient menées par l'association auprès d'un public aide-soignant, où on se dit « Ah oui, ils vont être hyper intéressés ». Mais en fait, dans un amphi où il y a 100 personnes, où les gens sont sur leur portable, etc., en fait, on se rend compte qu'on est tellement loin de l'intérêt qui pourrait être porté sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. C'est parfois un peu désespérant. C'est plutôt ces images-là, moi, que je retiens. Moi, j'ai pas trop de... Ah, si, un bon souvenir, c'était le déploiement d'une capote sur l'obélisque à Paris. Mmh. Ça date un peu, hein, évidemment. ACT-UP, je suppose. ACT-UP, ouais. Je sais pas quand est-ce que c'était, début des années 90 ? Oh, mais je suis vieille maintenant. Voilà. Non, puis les actions un peu choc. Enfin, moi, je trouve que le 1er décembre avec les sœurs, où on se balade avec un ruban rouge énorme en pleine ville, alors que tout le monde commence à faire ses cadeaux de Noël, j'aime bien quand même. Ça met un petit froid. C'est assez plaisant. Bah ouais, mais merci pour ça, hein, aussi, hein, pour les bons souvenirs. Et non, mais parce que moi je trouve que c'est vraiment ça aussi de comment justement on continue à parler de bah aussi de plaisir de sexe et pas que de ce qui est de dur et d'être dans les trucs normatifs et culpabilisants et que ça nous éloigne de ça. Et moi je trouve ça, enfin je sais pas là, moi je vous entends parler, mais moi je trouve ça sacrément précieux, quoi, tout ce taf justement communautaire qui est fait, ce que ça soutient. Et d'ailleurs, c'est un moment pour écouter la chanson que tu nous proposes. Alors, vous n'entendrez plus jamais ça dans Commun Dragon. Après. Ni sur c'est Radio la première Dio, non, je j'en avais choisi deux. Alors je sais pas laquelle vous voulez que je passe en premier. Ah non, je suis désolé pour les auditeurs de Radio Dio. Ils vont devoir écouter un petit peu de Pascal Obispo et de Florent Pagny. Oui. C'est la chanson collective de Sidaction, sa raison d'être. Alors, je l'ai choisie, mais en fait, il y a une raison bien précise. Parce que c'est vrai que Sidaction, c'est de la collecte de fonds, hein, de manière qui s'adresse au grand public. Mais je pense qu'il faut souligner que sans Sidaction, il y a beaucoup d'actions communautaires qui n'auraient jamais été financées, qui n'auraient jamais pu avoir lieu. C'est ce qui concerne, par exemple, les actions qui sont menées en milieu carcéral, auprès des travailleuses et travailleurs du sexe, mais aussi en termes de dépistage, d'actions nouvelles pour la communauté LGBT. En fait, sans ces actions de collecte de fonds, alors qui s'adressent, oui, à du grand public et que parfois on s'y retrouve pas forcément dans les messages qui sont véhiculés, mais n'empêche que sans ça, eh ben, y a tout un pan de la santé communautaire qui n'aurait jamais pu être financé. Donc, bon, un petit peu de Pascal Obispo, tant pis. Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu de tant de combats. Et a tellement tendu son corps, là où d'autres ont laissé libre. Elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent dérisoires. On fait les choses parce qu'elles s'imposent, sans se demander pourquoi. C'est peut-être, oh, peut-être, une goutte dans la mer. C'est peut-être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Elle en a essuyé des yeux. Elle en a baissé des paupières. Oubliant même que le ciel est bleu. Attends se pencher dans la poussière. Faire encore se taire et faire ce qu'elle a à faire. C'est peut-être, oh peut-être, une goutte dans la mer. C'est peut-être, ah oui peut-être, une goutte dans le désert. Oui mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Sa raison d'être. Sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui, mais On est toujours dans l'émission Comme un ouragan sur Radio Duo 89.5. Et on va continuer avec quelques questions, mais on va plutôt se diriger vers la fin de l'émission. Du coup, on se demandait, pour les personnes qui avaient Actis comme lieu de ressources, comment ça se passait maintenant ? Est-ce qu'elles se retrouvent quand même ? Est-ce qu'on a ces infos-là ou est-ce qu'on les a pas ? Alors, c'est un petit peu la difficulté, en fait. Autant sur les actions de prévention avec l'ENIPS et AIDE, c'était des choses qui pouvaient être reprises assez facilement et de manière rapide, en fait. Par contre, tout ce qui est en lien avec le soutien et l'accompagnement, le fait que Actis avait un local, pouvait organiser des repas collectifs, pouvait proposer des séances qualité de vie, l'accueil au quotidien en fait des personnes séropositives et aussi l'accueil des personnes migrantes séropositives. Pour l'instant, je pense que c'est là-dessus qu'il y a un gros travail à faire pour que des structures puissent prendre le relais. Alors ça va peut-être se faire hein, dans les mois qui viennent. C'est vrai qu'on est encore sur la période difficile d'après Covid et que c'est compliqué de se réorganiser complètement, mais j'avais un petit peu espoir ou que des structures comme EAID quand même puissent reprendre une partie des activités de soutien et d'accompagnement. Je pense que ça peut être le cas déjà un petit peu sur les personnes migrantes, puis comme ils vont au contact des publics dans les commerces, les associations, donc ils vont aussi pouvoir aller à la rencontre de personnes séropo, de pouvoir proposer du dépistage. Donc petit à petit, il y aura aussi tout un accompagnement qui pourra se faire. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi d'autres associations qui pourraient peut-être reprendre un peu ce champ d'activité qui, à mon avis, reste pour l'instant un peu manquant sur Saint-Thé. Et pour finir, on pensait qu'il y a un travail de mémoire à faire autour des personnes qui ont mené la lutte. On a déjà un petit peu parlé des morts et des mortes. Mais d'après vous, comment vous pensez qu'on fait ce travail-là de mémoire et par quoi ça passe ? Oui, là aussi, c'est une vaste question. J'étais en train de me dire qu'il y a quand même... c'est un peu cliché bateau, mais ce film 120 battements par minute, je pensais à une série américaine aussi, dont j'ai oublié le nom, qui retrace comment on passe effectivement des luttes féministes, des luttes... par rapport au VIH jusque à l'accès aux droits sociaux type mariage When We Rise When We Rise qui retrace bien je trouve aussi tous les liens de solidarité les luttes qui soutiennent etc je me perds je crois non Ah flûte, je pensais être perdu, mais... Non, sur la mémoire des luttes, c'est sûr que c'est une vaste question. Ça m'en pose, hein, parce que il y a plus de 30 ans de lutte contre le sida qui a été menée localement par Actis. Et à part les témoignages qu'on peut donner, comme ce soir, là, dans l'émission de radio, ou sinon, il y a aussi des écrits, des choses qui restent. Mais en tout cas, moi, c'est une vraie question sur comment on va pouvoir maintenir cette histoire-là. Il faudrait peut-être la raconter de manière... plus précise. Il y a sûrement un travail à faire tant que les gens aussi sont encore là. Oui, et puis moi je trouve aussi que l'enjeu sur la mémoire des luttes c'est aussi comment c'est aussi communautairement que c'est à nous de s'emparer de cette question là parce que sinon la réappropriation de cette histoire là elle se fait très très vite par les institutions et que moi je trouve ça d'autant plus précieux d'avoir aussi vos témoignages mais aussi que c'est à nous de la prendre en charge et de se dire que si c'est pas nous qui écrivons notre histoire et ça va être réapproprié dans un truc très lisse, très normatif et qu'on va effacer. C'est pour ça, moi, il y a des témoignages, pardon. Non, c'était seulement, je voulais rebondir ce truc de livre ou film. En vrai, oui. Moi, je trouve que c'est de plus en plus quand même aussi. Il y a vraiment des chouettes, si c'est des séries, des films. Là, j'étais en train de lire « Essuie jamais les larmes sans gants », oui. Où il parle du début des sida ou aussi un peu avancé en Suède. Mm-hmm. Et seulement avoir des histoires comme ça, avec un peu des faits vraiment temporaires, politiques, des luttes, tout ça, moi je trouve c'est super. Ou moi ça me rapporte personnellement beaucoup, parce que c'est des trucs qu'on ne sait pas forcément, et c'est une bonne manière. D'ailleurs, je crois qu'il y avait aussi des bouquins que vous voulez parler. Oui, oui, il y a une série anglaise aussi qui s'appelle It's a Sin, qui est sortie il y a peu de temps, et qui reprend un peu l'histoire des luttes, de la lutte contre le VIH en Grande-Bretagne. Je voulais parler d'un bouquin qui a sorti Bruno Bertrand, qui a été président d'Actis pendant un moment, qui a été un bénévole de longue date, et qui a sorti en fait un journal intime qui va être édité en trois parties. Hein. Donc là, il y a les deux premières parties qui sont sorties. La deuxième partie est essentiellement consacrée au début des années 80, et avec des témoignages sur les amis qu'il a connus à ce moment-là, des amis décédés hein, du VIH. Et c'est son parcours de vie, en tout cas, voilà, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas comment, si ça vous intéresse, vous pouvez le contacter ou prendre, puisque c'est de l'édition, en fait, qu'il fait lui-même. Mm-hmm. Donc, en tout cas, peut-être qu'en envoyant un message à l'équipe de l'émission, il y a possibilité de transmettre pour des gens que ça intéresserait. Ouais, on pourra transmettre. Et moi, j'avais aussi envie de vous partager différents livres là, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui sont écrits par des PD. Et déjà, je ne l'ai pas dit au début, mais en introduction, on a lu un extrait de Nick la préface du livre 28 jours de El Bigorra, du coup, qui est sorti chez Terrasse Édition, et qui, on peut le dire, a gagné le roman gay 2021 quand même. Oui. Bravo. Bravo. Oui. Voilà, du coup, c'est un témoignage sur 28 jours. 28 jours, ça correspond au temps de traitement post-exposition. Du coup, c'est un peu un journal, fictionnel. Oui, d'autofiction, c'est ça, hein, ouais. D'autofiction sur un peu toute cette période. Chez Terrasse Édition aussi, il y a un super bouquin, moi, vraiment, que j'ai adoré, qui s'appelle Los Putos, de Yoshua. Yoshua, c'est un poète punk PD séropo argentin. Et du coup, c'est beaucoup de poèmes en espagnol et traduits en français, et c'est, je trouve, assez intense. Et il y a un tout nouveau livre là, qui vient de sortir, c'est le premier livre des éditions Les Grillages, et ça s'appelle Enculé politique anal. C'est écrit par Javier Saez et Cero Carrascosa. Et du coup, c'était traduit par les éditions Les Grillages. Et en gros, ce livre, il propose une plongée dans ton cul depuis une perspective queer et féministe mêlant théorie, récit et humour. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air vraiment génial. Et je pense qu'il y en aura... comme cadeau de Noël. Il y en aura bientôt de disponibles à Santé. En tout cas, on va essayer de s'en procurer. Et d'en proposer dans la librairie qu'on aime bien l'une et l'autre. Là. Mm-hmm. Et aussi, on peut annoncer bientôt la sortie du nouveau numéro de PD La Revue, qui parlera de nos enfances et qui devrait sortir en début d'année. Début 2022. Début 2022. Bon. On se tiendra prête. Ouais. Et puis avant de se dire au revoir, on rappelle que le 18 décembre... 17 décembre. 17 décembre, voilà, le 17. Le 17 décembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Mmh. Et puis ben, ça sera à l'occasion encore et encore d'exiger la décriminalisation du travail du sexe et l'abrogation de la loi de pénalisation des clients de 2016, parce que cette loi, on rappelle que elle met en danger beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe, et surtout, elle empêche de s'auto-organiser. C'est clair. Et c'est aussi des problèmes de santé. Et c'est aussi, oui, tout à fait.